Chapitre 246. L'évocation avant de dormir et en se réveillant. 1446. D'après Hudhayfa et Abu Dhar, radiyallahu anhuma, en se mettant au lit, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de dire « C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Bismikallahumma amut wa ahya. » Et en se réveillant, il disait « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera la résurrection. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Al-Bukhari.